vient au monde un beau jour. Il y a 50 parents autour qui ne vous parlent qu'en japonais et qui vous cassent tous vos jouets. Oh là là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Comme on serait heureux sur terre sans tous ses parents. Oh là là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Quelle joie s'il n'y avait rien que des enfants. À la télé, papa aime la politique, maman le feuilleton romantique. Mais parfois quand paraît France Gall, grand-père se branche sur le football. Oh là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Comme on serait heureux sur terre sans tous ses parents. Oh là là, quelle famille! Oh là là là, quelle famille! Quelle joie s'il n'y avait rien que des enfants. On se dispute ou bien l'on rit, c'est notre façon de s'aimer. Mais s'il y arrive de gros ennuis, tout le monde se trouve rassemblé. Oh là là, quelle famille! Oh là là, quelle famille! Qui m'amuse tant et que j'aime à la